L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Avec ses 1100 reliefs volcaniques détectés, qui couvrent près de 85% de sa surface, Vénus est une planète qui semble active. Mais les planétologues ont toujours eu beaucoup de mal à obtenir une preuve irréfutable d'une activité volcanique récente ou actuelle. Mais une nouvelle observation allant dans ce sens vient d'être rendue publique il y a quelques jours lors d'une réunion de l'American Astronomical Society qui a lieu à Pasadena en Californie. Parmi les indices d'activité volcanique, la sonde Magellan avait trouvé des zones d'écoulement qui semblaient récentes au début des années 90 par une cartographie radar de la surface. La sonde européenne Venus Express avait, elle, permis de trouver plusieurs points chauds qui semblaient apparaître puis disparaître. Par ailleurs, Venus Express, toujours, et Pioneer Venus Orbiter, avaient détecté des brusques montées de la teneur en dioxyde de soufre dans l'atmosphère vénusienne, un gaz souvent associé aux éruptions volcaniques. Cette nouvelle étude s'est basée sur toutes ces données antérieures, ainsi que sur des mesures effectuées en 2006 et 2007 par l'instrument VIRTIS, Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer, de Venus Express, et plus particulièrement focalisé sur le relief Hidden Mons, un volcan de l'hémisphère sud vénusien, large de 200 km et d'une altitude de 2500 mètres. En 2007, VIRTIS avait détecté une anomalie thermique provenant du flanc est de Hidden Mons, ce qui avait permis d'estimer l'âge de ces terrains à seulement 2,5 millions d'années. L'équipe menée par Piero Dincicco du German Aerospace Center à Cologne a donc recherché dans les archives des données de Magellan une cartographie à haute résolution de Hidden Mons pour coupler entre elles les deux types de données. Dincicco et ses collègues ont construit un modèle numérique à même de reproduire des écoulements de lave à partir du sommet de Hidden Mons et l'ont confronté aux données expérimentales de Magellan. Ils ont ainsi réussi à identifier ce qui ressemble énormément à 5 coulées de lave, une vaste coulée qui recouvre le sommet du volcan et les 4 autres qui s'étendent le long de son flanc est. Elles apparaissent toutes relativement récentes, mais étaient-elles liées à l'anomalie thermique repérée par Venus Express ? Pour le savoir, les planétologues ont modélisé la quantité de chaleur que pouvait rayonner en infrarouge chaque écoulement, et ils trouvent que la combinaison de 3 d'entre eux reproduit au mieux la distribution de chaleur observée. Il s'agit des zones bleues, mauves et oranges sur l'image que je donne sur le blog. Alors par ailleurs, comme ces écoulements semblent se superposer à d'autres couches sous-jacentes, ils seraient bien les plus récents. Comme le dit Piero Dincicco, cette observation est particulièrement importante car c'est la première fois que nous pouvons cartographier avec une telle résolution des écoulements de lave d'un volcan que nous pensons être actuellement ou très récemment actif et sur une autre planète que la Terre. On devrait en découvrir davantage sur le monde de Vénus dans la prochaine décennie, c'est-à-dire assez bientôt quand même, où Européens et Américains prévoient d'y retourner avec les orbiteurs Veritas en 2021 et Envision en 2025. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de Vénus, oui, toujours, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission, comme toujours, sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et le matin, vers l'ouest, vous pouvez voir qui ? Vénus, et oui, bien sûr, est très très brillante dans le ciel du matin, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et restez bien donc les yeux au ciel et surtout les pieds sur terre. Allez, à très bientôt, salut !